juillet 2015, on m'a interdit d'exploiter mes terres. On me dit que c'est la Première Guerre mondiale. Je me dis, ça fait une centaine d'années que ça existe. Pour quelles raisons ça sort aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'après-guerre où l'État a décidé de déminer les obus. Et je pense que c'est très bien d'avoir fait ça. Mais après, pourquoi avoir fait disparaître la mémoire? Ben voilà, justement, c'est des vestiges de bouteilles d'arsine qui contenaient de l'arsenic. C'est ces munitions-là qu'on a brûlées. Il y a des prélèvements de sang qui ont été faits sur les agents de l'ONF qui se sont succédés sur le site depuis les années 80. On n'a jamais eu de retour de ces études-là. Je ne sais pas si ça a été la volonté de transformer la Meuse en poubelle à ce moment-là, mais c'était bien un fait historique. Pour l'instant, le premier pollueur, c'est l'État. Ils ont pollué notre territoire. Tout le monde le reconnaît. On ne leur a pas demandé de polluer. Au contraire, on n'en voulait pas. La Meuse est un territoire sacrifié depuis longtemps en fait, sacrifié par la Grande Guerre, sacrifié par l'agro-industrie, l'agro-business et puis maintenant par la poubelle nucléaire. Tout le monde sait bien qu'on ne pourra pas transmettre la mémoire d'un site sur des centaines de milliers d'années, parce que là on parle plus du tout de générations futures en fait. On parle de civilisations futures qui n'auront pas forcément les mêmes alphabets, les mêmes codes graphiques, le même langage que nous quoi. Les Égyptiens nous ont légué les pyramides et nous en fait ce qu'on lègue aux civilisations futures c'est les rebuts toxiques de la modernité. L'autre, comment? Maçon, l'autre, c'est l'autre. Ça va si je te tutoie et que c'est à l'aise comme ça comme... Donc voilà, d'abord merci de m'avoir... Enfin, d'avoir accepté mon invitation. Et on te rencontre pour ton documentaire, qui date de quand ça? Il a été terminé en novembre 2018, donc il y a seulement quelques mois. Qui s'appelle « Un héritage empoisonné ». Et je vais te laisser peut-être une présentation de toi. J'ai vu que tu étais archéologue, journaliste. Oui. Bon, je ne sais pas comment me présenter. Effectivement, c'est un mix de plein de choses. J'ai été archéologue, j'ai fait des études d'archéologie préhistorique. J'ai été archéologue préhistorienne pendant une petite dizaine d'années. Sur un site en particulier, j'ai fait plusieurs sites, mais notamment ici en Belgique, sur le site de la grotte Skladina, près d'Anden, qui est un des sites néandertaliens majeurs en Europe. Donc voilà, je me suis beaucoup intéressée, on va dire, à ce qui se passait il y a 100 000 ans. Mais qu'est-ce que tu avais envie de chercher? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu as trouvé? Le fil conducteur, il m'a fallu beaucoup de temps. C'est seulement maintenant que je comprends ce qui a été mon fil conducteur dans tout mon parcours, puisque ensuite je suis devenue journaliste et puis ensuite je suis devenue réalisatrice. Et puis voilà, donc, mais le fil rouge, ça a été l'idée de comprendre comment les êtres humains, on peut vivre en paix sur cette planète et comment on peut composer avec notre environnement. Et c'est la même chose, simplement c'était un regard d'abord sur le passé, puis à un moment si ça a basculé et que je suis devenue journaliste, c'est parce que je me sentais... En fait les archéologues, c'est un métier passionnant, fait par des gens passionnés, mais au point que le passé compte beaucoup plus pour eux que le présent, et leur passion du passé fait que ce qui se passe aujourd'hui, je ne dis pas que ça ne les intéresse absolument pas, mais leur passion passe avant tout. Et moi du coup, je me sentais un peu... ont besoin d'être davantage ancrés dans ce qui fait notre monde aujourd'hui et d'avoir un peu prise dessus. Donc je trouve ça très bien qu'il y ait des gens qui étudient le passé, c'est essentiel. Mais moi, j'avais vraiment besoin de mettre mes mains dans le cambouis d'aujourd'hui. C'était un peu ça. Donc en fait, je suis devenue journaliste. J'ai fait presse écrite d'abord, puis après, voilà, le hasard des rencontres et de mes envies, mais qui, bon, j'ai eu de la chance, quoi, m'a proposé de faire un petit peu de télé, puis de faire un petit peu de radio. Je travaillais pour plein d'émissions de la RTBF, notamment en télé et en radio. Jardin extraordinaire, j'ai vu, excellent. C'était une autre manière d'approcher un peu la même chose, parce que ce qui m'intéressait, ce n'était pas juste la nature pour la nature. C'est vraiment, de nouveau, comment nous, on compose avec la nature et toutes les implications sociales aussi, en fait. Donc, c'est toujours ce rapport-là, en fait, qui m'intéresse, la question de la justice sociale par rapport au milieu, en fait. C'est vraiment quelque chose, finalement, qui tombe pile poil dans les préoccupations du moment. Mmh. Qui est de se dire, quand les gens disent il faut sauver la planète, en fait la planète elle se débrouillera très bien sans nous, même si nous on n'existe plus, mais c'est justement, en fait, c'est nous qu'il faut sauver ou pas d'ailleurs, hein. Mais je veux dire, ceux qui sont les plus fragiles pour l'instant sur cette planète, finalement c'est l'espèce humaine, quoi. Une petite remarque sur le métier d'archéologue, parce que tu dis le passé, c'est comme si on restait un peu calé dans le passé, à l'archéologie. Mais je me souviens plus du nom de cette une femme archéologue, c'est pas que elle, hein. Mais justement, c'est, qui dit, c'est très d'actualité en fait, parce que ça pose la question, par exemple le capitalisme, la loi du plus fort, est-ce que nos ancêtres étaient vraiment aussi à devoir se bagarrer? Je me souviens d'une archéologue, je ne sais plus son nom, mais elle doit être reconnue sûrement, ça c'est sûr, mais je n'ai pas retenu, mais qui expliquait que non, c'est pas tout, ça n'a pas toujours été la loi du plus fort, et souvent on fait croire, le capitalisme fait croire que c'était le cas, et on a pu voir par exemple dans des ossements la solidarité. Je ne vais pas t'expliquer toute la... Non, mais tout à fait. Je pense que ça doit être Marilène Patou-Matisse, voilà, qui est une grande préhistorienne française. Et en fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir comme professeur Marcel Ott, professeur à l'Université de Liège, qui s'inscrit vraiment... En fait, je connais le travail de Marilène Patou-Matisse parce que c'est vraiment les gens qui ont été un peu mes maîtres à l'époque et puis que j'ai continué à suivre. Mais j'ai eu cette chance, effectivement, d'avoir un prof de préhistoire qui vraiment faisait le lien déjà entre le fait d'étudier la préhistoire et le regard qu'on peut avoir sur le monde d'aujourd'hui. Donc le passé, c'est un phare qui éclaire le présent. Mais ils sont rares, les gens qui parviennent à faire ce lien de manière aussi forte et aussi directe. Alors ça change. Je dirais qu'il y a 20 ans, c'était beaucoup moins une approche c'était une approche assez rare. Aujourd'hui, c'est vrai que les préhistoriens en particulier, je pense, ont des mots à dire, puisqu'on parle d'effondrement aujourd'hui, et que finalement, ce qui est passionnant dans cette très ancienne période, cet homme de Néandertal en particulier, c'est que c'est un homme qui a disparu et qui pourtant avait subsisté sur la planète pendant plusieurs centaines de milliers d'années et qui avait vécu des changements climatiques extrêmement importants et qui s'y était adapté. Et donc je pense qu'il y a aussi ça qui fait qu'aujourd'hui les préhistoriens, les spécialistes de Néandertal en particulier aujourd'hui, peuvent avoir un regard très très intéressant sur ce qui est en train de se passer, les défis qu'on a. Bon allez, on reprend, on va pas partir sur l'archéologie parce que ça m'intéresse tout autant et on pourrait discuter encore longtemps. On discute alors de ce film qui s'appelle Un héritage empoisonné, qui tournait au mois de novembre. Fini de monter au mois de novembre, alors tourné, il a été tourné pendant les 2 années qui ont précédé. Mmh. C'est un long travail. Et c'est un travail qui repose aussi sur tout un travail de documentation, de recherche, d'enquête, qui lui, par contre, remonte à une dizaine d'années. C'est 10 ans en tout, pas 10 ans pour réaliser le film, c'est 2 ans de réalisation, et avant ça, un travail beaucoup plus large. Souvent, c'est le cas, hein, 2 ans pour faire un film, il paraît. Mais toi, j'ai lu aussi que la Grande Guerre, c'était bof, ça ne t'intéressait pas trop. Puis c'est par le biais de ton papa, tu racontes en quelques secondes. Oui, il faut peut-être dire d'abord de quoi parle le film, parce que donc Un héritage empoisonné, c'est un film par lequel je mets en perspective la manière dont on a géré les déchets de la Première Guerre mondiale, donc les déchets de guerre, les munitions et en particulier les munitions toxiques. Et la manière dont on s'apprête à gérer aujourd'hui les déchets du nucléaire. J'en dis pas plus, on pourra revenir par après là-dessus. Mais donc le point de départ, en fait, c'était un petit peu cette idée quand même. On revient un tout petit peu à l'archéologie. Moi, en tant qu'archéologue, m'obsédait quand même cette pensée que jusque-là, les objets du passé... même quand il s'agissait d'objets qui pouvaient être potentiellement dangereux, vous prenez un silex qui était destiné à faire la chasse, par exemple, pendant la préhistoire, un objet qui pouvait vraiment être dangereux, ben, une fois qu'il est enterré et qu'il passe quelques siècles en terre, il n'est plus du tout dangereux, il devient un objet archéologique et un objet culturel. Et il m'a semblé, en m'occupant de ces sujets-là, qu'on avait connu un basculement autour, pas uniquement de la Première Guerre mondiale, mais la Première Guerre mondiale a quand même été un moment, un tournant très très fort, où on a produit des munitions qui, aujourd'hui, font encore des morts et créent encore des problèmes aussi dans le domaine des pollutions. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis « aujourd'hui, on font encore des morts » ? Il y a encore des gens qui meurent chaque année des munitions de 14-18. Chaque année ? Oui. En Belgique ? Alors, pas chaque année en Belgique, mais les derniers morts de 14-18 en Belgique, ça date de 2014. Deux ouvriers qui, dans la région d'Ypres, sur un chantier, n'ont pas compris parce que c'est des gens qui ne venaient pas de la région donc, et qui ne connaissaient pas toute l'histoire de la région, probablement n'ont pas eu le réflexe quand ils ont vu que le marteau-piqueur tapait sur quelque chose de dur et de métallique, n'ont pas eu ce réflexe de se dire « aïe, aïe, aïe, attention ». Et donc, ils ont perdu la vie. Il y a eu une explosion, ils ont perdu la vie dans cette explosion. Et oui, chaque année, il y a encore des morts. Alors aujourd'hui, un peu différemment, c'est rare ce genre d'incident-là en particulier. Souvent, c'est des collectionneurs qui ramassent des obus. Mais des obus, on en retrouve tout le temps. Il y a par ailleurs des accidents chaque année avec des blessés, des enfants qui allument un feu à un endroit et ça explose, enfin voilà, parce qu'il reste des munitions. Et donc voilà, oui, non, c'est une réalité. Et quoi, et comment ça se passe alors, comme ça, en quelques mots, puisque tu abordes le sujet, c'est quand même énorme. Comment ça se passe, qui se retourne contre qui, comment quoi, ces gens sont morts par des vestiges de la Première Guerre. Il n'y a plus de dommages de guerre, ils ne sont pas reconnus comme victimes de guerre. Voilà. C'est reconnu, à mon avis, simplement comme dans l'accident du travail, dans ce cas-là, enfin le cas de Ypres, c'est tout. Et par ailleurs, comme accident de la vie, quand ça arrive comme ça. Mais donc, ce n'est plus du tout une responsabilité de quiconque, de l'État ou qui que ce soit. Donc ça, non, il n'y a pas d'aide, quoi. Mais pour en revenir à la question précédente, que je n'ai plus en tête, je ne sais plus ce que c'était. D'aborder clairement, tiens, ton film, qu'est-ce qu'il raconte et pourquoi. Et je pense que le lien, c'était un peu ton papa aussi. C'est vrai que le sujet de la Première Guerre mondiale, alors que je suis passionnée, enfin, j'aime pas le mot passionnée, mais l'histoire m'a toujours énormément intéressée. Mais la Première Guerre mondiale, c'était vraiment effectivement la dernière période à laquelle j'avais songé m'intéresser. D'ailleurs, en fait, quand j'ai fait mes études de préhistoire à l'UNIF à Liège, on était place du 20 août et je ne me suis pas intéressée une seule seconde à ce qu'était ce 20 août, alors que c'est 20 août 1914 et c'était notamment des étudiants de l'université de Liège qui avaient trouvé la mort suite à l'arrivée des Allemands et qui avaient été fusillés le 20 août à Liège. Donc voilà, c'était quand même un événement dramatique. Ouais. Mais donc 14-18, ça ne m'intéressait pas. Et puis j'étais un peu rattrapée, comme beaucoup de gens, par une histoire familiale. La plupart des gens ont dans la famille des aïeux qui ont fait la guerre de 14-18. C'est vrai qu'il y a eu le centenaire, mais nous, ça s'est passé, je dirais, cette idée de s'y intéresser est venue bien avant, simplement parce que mon papa a retrouvé une malle ou une boîte dans laquelle se trouvaient les courriers d'un grand-oncle de ma maman qui avait fait la guerre de 14-18 qui était instituteur avant-guerre et qui avait été engagé comme brancardier puisque l'armée belge n'avait pas de service de santé au début de la guerre. Et donc, ils ont engagé principalement des instituteurs et des curés pour deux raisons. D'une part, parce que c'était des gens qui avaient l'instruction nécessaire pour pouvoir apprendre à soigner rapidement des gens, et d'autre part aussi parce que c'était des gens qui avaient trop d'instructions que pour accepter facilement les ordres à l'intérieur des troupes. Et donc, mon père a commencé des recherches autour de la correspondance de ce grand-oncle qui est mort à la guerre et qui, pendant la guerre, avait écrit à une marraine de guerre française dont il était tombé amoureux. Et enfin, voilà, leur histoire s'est terminée parce que lui, il est mort sur le champ de bataille. Mais en retraçant toute cette correspondance, mon papa s'est passionné pour l'histoire. Mes parents sont médecins, donc il s'est passionné pour l'histoire de la médecine pendant la Première Guerre mondiale et a poursuivi des recherches de témoignages, a trouvé d'autres témoignages d'infirmiers, d'infirmières, de brancardiers, de médecins, de chirurgiens, et a fait 20 ou 30 années comme ça de collecte et de fait de retracer cette histoire. Puis il a voulu écrire un livre, mais il avait une telle masse de documents qui m'a demandé, il m'a dit, mais toi, je crois que j'attendais mon deuxième ou mon troisième enfant, j'en ai quatre, et il m'a demandé, il m'a dit, bon, toi, tu vas avoir un congé de maternité, tu vas t'ennuyer pendant ce temps-là, c'est sûr que quand on a deux petits bouts plus un troisième qui arrive, c'est sûr que le congé de maternité, on s'ennuie, et tu n'as qu'à m'aider à faire le bouquin pendant ton congé. Bon, bah, comme c'était mon papa, j'ai dit oui quand même. Et j'ai commencé avec des pieds de plomb, je ne peux pas mentir, parce que vraiment, je me disais, oh, la Première Guerre mondiale, non, quoi, c'est du sang, des larmes, des tranchées, enfin, des gaz et tout ça, c'était vraiment pas... Et puis, l'histoire des femmes que j'ai découverte au travers de l'histoire des infirmières, surtout des témoignages de quelques infirmières, dont une qui m'a beaucoup marquée, qui est une infirmière belge, qui était vraiment au cœur de plein de choses et qui a écrit un journal pendant toute la guerre, avait un regard justement aussi là-dessus, sur le fait qu'il y avait une forme d'émancipation pendant la guerre, mais qu'elle n'avait aucune illusion sur le fait qu'une fois que la guerre serait terminée, il y aurait un recul en arrière. Et voilà, et ça m'avait touchée, c'était les derniers mots de son carnet, et je trouvais ça très... De quoi ? De dire qu'après la guerre, ça repartirait dans l'autre sens ? Ça pourrait pas, oui, qu'elle sentait bien que ça avait été un moment exceptionnel, avec énormément de souffrance, mais en même temps, une aventure extraordinaire, en partie aussi pour les femmes, de pouvoir, comme ça, participer d'une autre manière qu'en étant des mères, par exemple, d'être vraiment dans les événements et de pouvoir prendre leur place dans la vie publique aussi. Mais qu'elle savait bien que dès que la guerre serait terminée, on leur demanderait de revenir à leur place et que ce ne serait pas gagné pour autant. Donc c'était interpellant, et c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs. Mais donc elle sentait très bien vers où on allait et que c'était loin d'être terminé. Et suite à ça, finalement, donc je me suis intéressée à cette période sous son aspect humain. Et puis bon, les archéologues, on n'est pas comme les historiens, enfin, on a cette différence. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Mais si j'ai préféré faire l'archéologie à l'histoire, c'est parce que le rapport à la matière, le rapport à la terre, au terrain, est aussi important que la source historique ou l'objet lui-même. Donc le contexte est aussi important que ce qu'on trouve. Et donc j'ai eu envie, après ça, d'aller voir ce qui restait de cette guerre, concrètement dans la matière, sur le terrain. Et c'est comme ça que je suis arrivée, ça devait être en 2009 ou quelque chose comme ça, près de Verdun, sur un site qui n'était pas Verdun, qui est à 27 km au nord de Verdun, qui s'appelle la Butte de Vauquois, qui était un village, un des villages où la guerre s'est installée pendant 4 ans. C'était vraiment sur le front, c'est-à-dire que les Allemands et les Français se sont battus pour avoir cette colline. Et le front n'a pas bougé pendant 4 ans, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont bombardés pendant 4 ans, ils se sont entretués pendant 4 ans, le village a été pulvérisé, parce que comme ça ne fonctionnait pas par le dessus du terrain, ils ont sont passés sous terre, comme ça a été le cas partout sur le front, mais creuser des tunnels pour aller poser des charges de dynamite en dessous des troupes ennemies. Donc en fait, cette montagne, enfin, cette butte est devenue, hein, alors qu'il y avait un très beau village assez gros, est devenue une sorte de gruyère et puis de volcan. C'est comme un volcan en fait, c'est ça. On monte au-dessus de la butte et puis tout d'un coup, on est face à des grands cratères. Et il y avait une sorte de paradoxe, en fait, que comme ce lieu, on n'a jamais reconstruit pour différentes raisons, qui sont à la fois des raisons de dangerosité, mais aussi des raisons de mémoire et tout ça. Finalement, le lieu a été reconquis par la nature, tout en étant un endroit de mémoire et fréquenté par les gens qui viennent pour essayer de comprendre ce qui s'est passé là et tout ça. Et en même temps, voilà, c'est très, très beau. Et en même temps, très souffrant encore, puisque c'est des cicatrices, mais qu'elles sont reconquises par la nature. Puis l'autre paradoxe, c'était aussi qu'il y avait un paysage exceptionnel. Je me suis rendu compte qu'on avait choisi pendant très longtemps des lieux d'où on avait des vues magnifiques pour se battre, et que c'était d'une logique militaire implacable. Mais qu'évidemment, quand on fréquente ces lieux-là aujourd'hui, et qu'on voit ces beaux paysages, ils n'ont pas du tout le même sens, et surtout qu'il y a une subjectivité dans le paysage. Dans ce qu'on voit, on s'arrête tous devant un beau paysage, mais chacun peut en penser, et ça nous dit à chacun autre chose, alors qu'il y a des clés à aller chercher dans ce paysage pour comprendre ce qu'il raconte aussi vraiment. Et donc j'ai eu envie de savoir si tous les endroits qui avaient été marqués par cette guerre, qui avaient été dévastés par cette guerre, ressemblaient à ça. Et qu'est-ce qu'ils étaient devenus ? Comment les gens vivaient aujourd'hui autour de ces endroits-là ? Ça, c'est ton idée de départ ? Ça, c'est l'idée de départ il y a 10 ans. Donc, je suis rentrée ventre à terre à la maison. J'ai commencé à faire des recherches sur Internet. J'ai vu qu'il n'y avait personne qui avait vraiment travaillé dessus. Ventre à terre, ça veut dire ? J'avais le pied sur le plancher dans la voiture. Parce que c'était pour moi, c'était... j'aime pas parler d'illumination, mais c'était quand même un moment où j'avais ressenti quelque chose d'extrêmement fort et un questionnement d'une grande puissance, où tout d'un coup j'avais besoin d'essayer de comprendre. Et ce paysage, cet endroit me posait des milliers de questions et je voulais trouver les réponses. Et puis quand je suis rentrée, j'ai vu qu'en fait ces réponses, elles n'existaient pas, donc que ce travail n'avait jamais été fait. Et je ne savais pas du tout... dans quoi je m'aventurais. Donc c'était dans l'ampleur du travail dans lequel je m'aventurais, qui était de dire, bon, au travers d'un paysage, essayer de comprendre de nouveau ce lien et cette évolution du rapport entre l'homme et l'environnement, les séquelles d'une guerre qui a 100 ans, et des séquelles qui peuvent être environnementales, mais pas uniquement environnementales, culturelles, économiques, sociales, psychologiques encore aujourd'hui aussi. Et, quoi, et puis là, tu te rends compte qu'en fait, qu'en allant sur le terrain, en te posant toutes ces questions-là, tu observes de la matière. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ce qu'il y a, c'est que je suis rentrée, puis j'ai vu que personne n'avait vraiment écrit, en tout cas sur l'aspect environnemental de cette guerre. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais commencer une enquête. Je m'aperçois alors rapidement que l'ancien front fait 700 km de long, donc qui va de la mer du Nord à la frontière suisse, qui passe en Belgique et puis par une dizaine de départements en France. Donc, c'est un terrain absolument gigantesque. Ça, c'est juste la longueur. Et puis, la ligne de front a une certaine épaisseur qui va de plusieurs centaines de mètres à une vingtaine ou trentaine de kilomètres en tout, quand on compte tout. Donc, c'est une zone absolument gigantesque. Et j'envisageais absolument pas de faire ce travail juste un truc sur le papier ou juste en interviewant des spécialistes. Pour moi, c'était essentiel de fréquenter le terrain, d'aller rencontrer les gens sur place. Donc, c'est pas un travail d'historien, même si j'ai rencontré des historiens, même si j'ai manipulé et cherché énormément de sources historiques, mais c'était vraiment toujours faire le pont avec aujourd'hui ce que les gens qui vivent sur place et composent aujourd'hui avec ces endroits vivent aujourd'hui. Comment ils le vivent aujourd'hui. Et donc, petit à petit, c'est pour ça que ça m'a pris des années, mais ça n'a pas été des années où j'ai rien réalisé, c'est-à-dire que ça a été par étapes. Et chaque fois que j'ai fait d'abord une enquête qui était plus de l'ordre journalistique et qui était une première prise de contact avec le terrain. Suite à ça, en fait, J'ai eu la chance que cette enquête qui était publiée dans plusieurs journaux, puis qui a fait l'objet de plusieurs petits reportages en télévision, parce que j'avais même fait des reportages pour le Jardin Extraordinaire sur la nature à Verdun, a fait qu'un éditeur m'a contacté en disant « Mais je pense que vous avez des choses, des histoires humaines à raconter, que vous n'avez pas eu la place de raconter dans ces supports-là, donc écrivez-moi un livre. » Donc j'ai écrit ce premier petit livre qui s'appelle « Paysage en bataille » où je racontais toute cette démarche et puis toutes les histoires, toutes les aventures, toutes les rencontres. Donc de ces gens qui vivent sur des anciens lieux de guerre, quoi, c'est ça ? Du début de ça, puis de ça, en fait, je suis repartie parce que j'avais évidemment pas fini. J'avais déjà l'idée de faire un documentaire, mais ça demandait que je sois encore beaucoup plus loin dans le fait d'avoir vu toutes les régions. Parce que c'est vraiment un travail qui, par le fait qu'il est transversal à la fois dans les thématiques et à la fois dans les régions traversées, met en perspective des choses qui n'apparaîtraient pas s'il n'y avait pas cette mise en perspective. L'histoire, la mémoire sont différentes d'une région à une autre et donc apparaissent des questions comme ça qui sont très intéressantes. Donc en 2014, j'ai fait une série radiophonique qui m'a servi après de continuité dans ce travail-là et de repérage. Et là, j'avais à peu près fait, je dirais, un grand scan de toutes les formes d'héritage qu'il pouvait y avoir d'une région à une autre, que ce soit, comme je disais, héritage culturel ou héritage économique ou séquelles économiques, et apparaissait un mystère au fur et à mesure de ce travail, qui était le fait qu'il y avait une région qui me semblait plus marquée que les autres, à la fois dans les paysages, puisque c'est la région où il reste le plus conservé de l'ancienne zone rouge, donc c'est le département de la Meuse en France, où les zones qui ont été condamnées après la guerre parce qu'on estimait qu'elles étaient trop détruites pour être reconstruites un jour, y a davantage de ces zones-là, elles sont plus grandes là-bas que dans les autres régions où elles ont fondu, la plupart des zones sont rentrées dans les activités humaines, malgré le fait qu'au départ on pensait que ce n'était pas possible. Et après j'ai essayé d'analyser et de comprendre ça. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'en même temps, en Meuse, les gens me paraissaient aussi plus résignés, plus désespérés, avoir un autre rapport aussi à cette histoire-là qui ne me semblait pas du tout cicatrisée, mais aussi que leur forme de désespoir et de résignation impactait cette région jusqu'à aujourd'hui, puisqu'elle n'a jamais regagné sa démographie d'avant la Première Guerre mondiale. Oui, en gros, il y a plus grand monde qui a envie d'aller habiter là-bas, c'est ça. Et quand tu dis en Meuse, excuse... Oui. Mais en Meuse, c'est quoi quand tu dis en Meuse ? C'est le département de la Meuse en France. Donc c'est le département de Verdun notamment, hein, mais c'est pas que Verdun, c'est Verdun, Bar-le-Duc. Et puis tout au sud du département de la Meuse, c'est le site qui a été choisi pour créer la future, j'aime pas dire future parce que je pense qu'elle ne se fera pas, mais poubelle nucléaire française. Et voilà, au cours de ce travail, alors que j'étais déjà plus avancée dans la construction, dans l'idée de construction d'un documentaire, j'avais trouvé, en fait, on recroise l'actualité, il se trouve que dans ce travail émerge le fait qu'il y a des pollutions liées à la destruction de munitions après-guerre, et un épisode extrêmement peu connu, en fait, de cette histoire des années 20, qui est comment on a traité les déchets de guerre, et que énormément de ces déchets de guerre, en fait, ont été envoyés dans ce département-là, parce qu'il était plus pauvre et que les gens savaient moins se défendre là qu'ailleurs, pour qu'une industrie privée se charge de son recyclage, mais c'était un recyclage uniquement partiel et qui causait des pollutions très très importantes, puisque les gaz, on recyclait les métaux, on recyclait les poudres pour en faire des engrais, mais les gaz, on ne savait pas quoi en faire, donc on les brûlait, et ce sont les populations des villages alentours qui ont subi, en fait, cette industrie. Et on les avait consultés pourtant, mais on n'a pas écouté leurs protestations, et elles ont été balayées par le ministre de la guerre à l'époque, qui a imposé cette industrie en disant « Mais de toute façon, vous ne savez pas de quoi vous parlez, vos peurs sont infondées, il est temps de faire preuve de bon sens et de bon esprit, vous n'avez qu'à accepter ce truc. » Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin des années 20, cette industrie privée a disparu, probablement en partie à cause de la crise de 29, et que cette activité n'était pas suffisamment rentable pour ça. Et puis, en fait, le gouvernement français a laissé les habitants reconquérir au fur et à mesure ces terres qui étaient extrêmement polluées avec des métaux lourds, mais aussi des polluants comme de l'arsenic, des perchlorates, enfin des choses qui ont un impact sur les nappes phréatiques et potentiellement, très probablement aussi, sur la santé des populations. Et c'est, ce qui m'a frappée, c'était, voilà, c'était que les gens, finalement, qui savaient encore qu'il s'était passé des choses à cet endroit, avaient quand même reconquis ces terres, parce que justement, probablement, on leur avait dit et ancré et bourré le crâne avec le fait que c'était eux qui se trompaient, que c'était pas dangereux. Et il y avait eu un tel déni en fait de leur bon sens et aussi de la démocratie qu'il y avait un pan entier de la mémoire qui avait disparu. Et pour lever des sources et pour réveiller un peu la mémoire, ce que j'ai fait, pas uniquement en Meuse, mais un peu partout ailleurs, c'est qu'en cours de processus, quand j'étais dans un village, tout ça, je donnais des conférences et j'expliquais mon travail, la redécouverte de cette industrie, de ces pollutions qui émergent récemment, enfin, en tout cas qu'on découvre récemment. Et bon, partout, évidemment, ça secoue, mais en Meuse, ça secouait plus qu'ailleurs. Et les gens, dans certaines conférences, il y avait comme un souffle, mais vraiment d'émotion dans la salle. Et puis, quelqu'un qui disait « Et ça continue !» Je disais « Quoi continue ?»« Ah ben maintenant, on veut nous mettre les déchets nucléaires. » Et bon, voilà, est né ce rapport entre ces deux. Alors moi, bien sûr, j'avais déjà pensé auparavant à ce rapport. J'avais entendu parler de Bure et tout ça, mais je ne voulais pas en faire quelque chose de fabriqué. Mais à partir du moment où c'était les Meusiens eux-mêmes, les gens du cru eux-mêmes qui estimaient que c'était les mêmes histoires, je pensais qu'il fallait pouvoir investiguer et valider ou invalider qu'il s'agisse bien d'histoires comparables ou pas, et que la première histoire puisse nous éclairer au moment où on a encore la possibilité de faire autrement et de choisir autrement par rapport aux déchets nucléaires. Mmh. Puisque là, on ne parle pas... Bon, les déchets de 14-18, on sait qu'on en a encore pour plusieurs centaines d'années à les gérer. On ne sait pas d'ailleurs exactement quelle est l'échelle de temps au bout de laquelle ce sera. Mais bon, on parle plutôt de siècles que de milliers d'années. Par contre, les déchets qu'on veut enterrer à Bure, à 500 mètres sous terre, ce sont des déchets qui, pour certains, resteront dangereux pendant 1 million d'années. Donc, on est dans des échelles de temps durant lesquelles on ne peut absolument pas assurer une mémoire humaine. Pour voir si je te suis bien et je comprends bien. Mais donc, en fait, le lien qu'il y a entre la Grande Guerre, enfin la Première Guerre, on va la nommer comme ça, parce que la Grande Guerre, on ne sait pas laquelle c'est, donc c'est la Première Guerre mondiale. Et ce qui se passe à Bure, le lien que tu fais dans le film et que les gens font, parce que ça, c'est aussi les gens, c'est qu'on a l'air de dire, le commun, c'est ça pose aucun problème. C'est ça ? Ben on dit aujourd'hui l'argument de ceux qui veulent enterrer les déchets, donc le gouvernement français, mais aussi... de manière plus globale, tout ce qui tourne autour de l'industrie nucléaire. Pas uniquement en France d'ailleurs, hein, puisque je rappelle que la Belgique a a priori opté pour le même type de solution. Mais que chez nous, pour l'instant, rien ne bouge. Et je pense que c'est peut-être en partie aussi parce que la Belgique regarde ce qui se passe en France et comment va évoluer la décision de faire ou pas cette poubelle dans le sous-sol français à Bure, pour plusieurs raisons. La première, de savoir s'ils y parviennent quand même, et la deuxième, éventuellement, ben, je pense que personne ne peut exclure qu'il y ait cette forme d'idée, qu'une fois que cette poubelle sera là, elle sera à 300-400 km de la Belgique, dans un territoire qui aurait dès lors été conquis, où il n'y aurait dès lors plus de lutte autour de cette idée, qui est un désert, hein, il faut le dire. C'est aussi pour ça qu'on choisit cet endroit-là. C'est majoritairement pour ça qu'on choisit cet endroit-là, d'ailleurs. Tu dis désert, mais il y a encore des humains qui habitent. Ah oui, oui, il y a des humains qui habitent, mais ils sont 6 habitants au kilomètre carré. Ça veut dire que mobiliser des gens dans cette région-là, c'est extrêmement compliqué. 6 habitants au mètre carré, même si vous mobilisez tout le monde, ça ne fait pas assez. Donc ça veut dire qu'il faut mobiliser des gens au-delà de la région. Et faire entendre la voix des gens qui sont sur place et qui crient dans un désert, c'est très, très compliqué. Parce qu'en plus de ça, ils ont du mal à crier, puisque malgré le fait qu'il y a 6 habitants au kilomètre carré, il y a quasiment autant de forces de l'ordre que d'habitants sur place. et qu'en plus de ça, les gens sont achetés. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'argent qui est déversé dans la région pour faire accepter, pour acheter la conscience des gens et faire accepter le projet. Donc, là, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Acheter les gens, comment ? Ah ben, simplement, on déverse de l'argent en disant que cet argent n'arriverait pas dans une région qui est déshéritée autrement que grâce à ce projet. Que ce projet pourrait être, et qu'il est déjà d'une certaine manière, puisqu'en fait le stockage n'existe pas encore, les travaux ne sont pas encore commencés, mais il y a déjà depuis des années des centaines, voire des centaines de milliers d'euros qui ont été déversés, qui sont déversés chaque année par un outil de promotion qui s'appelle le groupement d'intérêt public, en fait, autour du projet CIGEO BUR. Et donc, c'est de l'argent qui est distribué à la fois dans le département de la Haute-Marne, parce qu'en fait, Bure est à la frontière entre Haute-Marne et Meuse. Et il y a, je crois que c'est 30 millions d'euros chaque année pour la Haute-Marne et 30 millions d'euros qui sont distribués dans toutes les communes et qui permettent de refaire les rues, de construire des maisons de village, qui financent des activités publiques. Je sais pas, moi, vous voulez faire une fête de la choucroute, vous pouvez demander un subside du GIP pour votre fête de la choucroute, un concours de Scrabble, enfin n'importe quoi, une exposition artistique, un projet, tout ça. Enfin, donc l'argent arrive sous toutes ses formes dans la région. Et c'est très difficile à partir du moment où c'est une région qui manque beaucoup d'argent et de moyens, à partir du moment où on y touche, c'est très compliqué. Ok, c'est ça que tu dis, acheter, quoi. Ouais. Ok, c'est de l'argent. C'est une fabrique du consentement qui passe à la fois par la force, hein, parce qu'il faut imaginer, Bure, c'est 80 habitants, Mandrin-Barrois, qui est le petit village juste à côté, c'est 120 habitants, et sur le site même du laboratoire CIGEO, donc qui est le lieu où on est censé étudier la faisabilité géologique du stockage profond, il y a 72, enfin je vais parler en belge, il y a 72 gendarmes qui sont casernés en permanence. Ça veut dire aussi que quand vous vous rendez sur place, si c'est vous, si c'est moi, moi j'y suis allée plein de fois, mais on est soumis à un contrôle permanent. Dès que vous êtes là, vous êtes contrôlé. Et pas juste une fois sur la journée. Si vous traînez un peu trop dans les lieux, vous allez devoir présenter plusieurs fois votre carte d'identité, vos papiers de véhicule, et on vous fait comprendre un petit peu, comme la première fois que j'étais là, en me disant, bon, vous rentrez en Belgique maintenant, vous n'avez rien à faire ici. Donc voilà, c'est une pression. La pression sur les habitants même est insupportable, parce que eux, malgré le fait qu'ils habitent là, ils subissent encore tous les jours la même pression, les mêmes contrôles. Vous imaginez de vivre comme ça tous les jours dans un village. Donc ça calme les gens, et ça met beaucoup de désespoir. Et ça se met de la zizanie aussi, il faut imaginer. Les terres ont été rachetées petit à petit. On a donné de l'argent aux agriculteurs, beaucoup d'argent pour racheter leurs terres à des prix supérieurs à ce qu'elles valaient. Et puis après ça, on le reloue. Et puis ben, y a ceux qui ont accepté, et puis ceux qui résistent. Donc ça crée des dissensions, et donc c'est divisé pour régner, en fait. C'est une vieille technique, hein, c'est vieux comme le monde. C'est clair. Mais ton documentaire, en fait, j'oublie, je l'ai vu. Hein. Comme ça, on peut aussi discuter du film. Ça démarre comme ça, en fait, parce qu'on aurait... Enfin, moi, j'ai cru à la base que ça parlait du nucléaire, tu vois. Ou alors, qu'on allait aller à Bure, parce que c'est vrai qu'on y va, dans ton documentaire à Bure. Mais c'est pas un film sur le mouvement de Bure. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? C'est pas un film qui est dans un quotidien avec ces gens... Ça explique et ça décode ça, et puis c'est surtout la démarche. J'ai l'habitude de dire que c'est pas un film militant, mais c'est un film engagé. Et je fais la différence parce que aujourd'hui les gens confondent ça surtout par rapport au fait qu'on dit aux journalistes qu'ils ont un devoir d'objectivité et qu'ils ne peuvent pas être engagés. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut absolument déconstruire. Moi, aujourd'hui, j'estime que c'est un travail justement qui n'est pas militant, mais qui assume pleinement son engagement. Il n'y a rien dans la déontologie journalistique qui dit qu'on ne peut pas être engagé, ni qu'on doit être objectif, parce que l'objectivité est impossible. On est des êtres humains comme les autres, donc on ne sera jamais 100% objectif. Juste faire une parenthèse. Oui, aujourd'hui, on tient ce discours. Hein, oui. Mais quand tu regardes en arrière, on disait l'objectivité, il faut en être. Maintenant, on arrive à... Tu ne trouves pas ? Bah, t'as pas suivi un peu le chemin justement qui a été fait par rapport à ça. Je veux dire, des grands journalistes du passé comme Albert Camus notamment ou Albert Londres n'avaient aucun souci à assumer leur objectivité et leur engagement. Et puis, effectivement, il y a eu un discours de mystification, je dirais, du journalisme, de la presse en général, et même les journalistes eux-mêmes ont eu tendance à entrer dans ce jeu-là, aussi par pression économique, et parce qu'ils font un métier, effectivement, où c'est très difficile de gagner sa vie, donc c'est très compliqué de dire non et de rester dressé dans les structures dans lesquelles on travaille aujourd'hui. Mais tout ça pour dire, au départ, c'était pas censé être un film qui parlerait du nucléaire. J'y suis venue par la force des choses et par l'enquête, mais ce que j'ai découvert en m'intéressant finalement aux questions que posait le cheminement de mon enquête, fait qu'il y a des questions cruciales qui sont apparues, qui sont des questions très engagées et où j'ai un positionnement qui est très très clair, parce que les mensonges que j'ai découverts et auxquels j'ai été confrontée pendant le travail d'enquête, où j'ai rencontré les gens de l'ANDRA, où j'ai eu droit à leur double parole, où ça m'a pris beaucoup de temps de comprendre et décoder ce qui m'arrivait comme ça, a fait qu'effectivement, à un moment, il fallait que j'ai un positionnement très très ferme. Mais à partir du moment où on dit d'où on parle, où on ose dire, voilà, je vous dis ça avec mon point de vue à moi, il est celui-là, il est discutable si vous voulez, mais en tout cas, moi, ce que je vous apporte, c'est quand même du dur, c'est quand même c'est un travail d'enquête, avec des sources sérieuses, et tout ça, il faut des arguments pour pouvoir le déconstruire derrière. Et donc, c'est la différence que je fais. Donc, effectivement, la tentation, à un moment, était grande, parce que bien sûr, au bout d'un temps, quand on est dedans, quand on tombe d'une manière ou d'une autre dans cette lutte, on se positionne d'un côté ou de l'autre. Et mon positionnement, il est très très clair. Moi, je suis absolument contre le fait qu'on fasse cette poubelle nucléaire et qu'on l'impose de cette manière-là à une population ou à n'importe quelle autre d'ailleurs. Et moi, je défends l'idée que cette question des déchets nucléaires, comme du reste de nos déchets, comme de tout ce qu'on doit gérer aujourd'hui, c'est une question qui dont on doit s'emparer absolument collectivement et qu'il est hors de et dont on doit payer le prix collectivement, mais où il est hors de question que ce soit les plus faibles ou les plus pauvres qui payent davantage le prix des déchets dont on est à la source tous et certains plus que d'autres. Il faut quand même pouvoir le dire aussi. Et ça, moi, je comprends bien clairement. Ça, ta pensée est claire par rapport aux déchets nucléaires et à Bure et à ce mouvement. Après, pour la première guerre et tous les produits toxiques et toutes les bombes, enfin, le film il commence comme ça, c'est quand même assez incroyable. Le bonhomme que tu interviews, tu vois cette scène avec... Comment on s'appelle ce monsieur ? Albert Varroquier, c'est un monsieur auquel je me suis beaucoup attachée. Parce qu'évidemment, à force de circuler pendant des années, je suis passée beaucoup chez des gens venus, revenus... Et c'est comme ça que voilà, qu'on trouve des personnages, qu'on crée des amitiés, que les gens finissent par bien vouloir se livrer devant une caméra. Et Albert, bah oui, il a vécu toute sa vie sur le champ de bataille. C'est un tout petit paysan hein, qui avait juste trois champs tout petits autour de chez lui et qui a passé sa vie entière à ramasser tous les... Parce qu'il habitait vraiment sur le champ de bataille et ses champs, c'est vraiment le champ de bataille. Bah, continuer à dépolluer et enlever toute la ferraille, mais aussi toutes les munitions entières qui sortent encore de ces champs. Et donc, oui, Albert, c'est un fameux personnage, parce que dans le fond de son jardin, comme son ferrailleur est mort il y a 7 ans, il a des tas de ferrailles de ce qu'il continue à ramasser alors qu'il a 90 ans, donc plus de 90 ans. C'est encore un vieux monsieur qui continue à faire ça. Il a deux énormes tas de ferrailles, et puis il a... à côté de ça, bah, sa cabane dans laquelle il met toutes les munitions, une sorte de collection absolument gigantesque, un musée de toutes les munitions possibles, et on voit l'arsenal. Et c'est là que... Parce qu'en fait, c'est des chiffres. Et ça, c'est une autre comparaison. C'est-à-dire, moi, j'ai un problème avec les chiffres de manière générale. Je l'avoue volontiers. Une fois que ça devient trop gros, j'arrive pas à me représenter... concrètement ce que ça représente, quoi. Et je crois qu'on a tous le même... Enfin, grosso modo, je vous défie de... On parle de tonnes de CO2 aujourd'hui. Qui sait s'imaginer ce que ça représente exactement ? C'est toute la difficulté de l'abstraction. Et pour le nucléaire, c'est la même chose. Quand on parle de nucléaire, on parle de choses invisibles, inodores, incolores, très, très compliquées de se représenter. Et là, tout d'un coup, avec ces deux tas de ferraille, aussi gros et grand, enfin, haut et large qu'un homme couché à terre, quoi, deux fois d'ailleurs, et puis en fois deux, ce petit bonhomme, ce petit monsieur, tout d'un coup, ça devenait très concret, en fait, ce que ça représentait. Tout d'un coup, je pouvais m'imaginer, je me disais, oui, concrètement, par rapport à la vie d'un homme, voilà ce que c'est. Ça donne une échelle, en fait, ça matérialise de nouveau les choses. Mais tu vois, par rapport à cette partie-là du film, où on te voit aller dans ces campagnes, dans la nature, nous montrer des vestiges... Il n'y a pas que ça dans le film, hein, mais c'est des bombes, des produits toxiques. Là, tu vois, je reste plus... Qu'est-ce que tu veux dire, en fait, si je comprends bien, pour voir si j'ai bien compris. Alors, je me dis que la personne qui écoute l'émission se dit que... Ah, OK, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que c'est maintenant, seulement, en 2019, qu'on réalise que tous ces produits chimiques dus à la Première Guerre, on réalise que ça, c'est mauvais pour la nature. Oui et non. C'est-à-dire que c'est maintenant que ressurgissent au-delà de ce qu'on connaît depuis toujours, c'est-à-dire que ça ne s'est jamais arrêté. Depuis 14-18, on ramasse des munitions dans tous les champs, et tout le monde le sait, ça fait l'objet de reportages télévisés chaque année, et tout ça, enfin bref. Mais par contre, c'est seulement maintenant que la partie la plus insidieuse et la plus dangereuse des pollutions liées à ces munitions est seulement en train d'être réalisée, connue et surtout en train de s'étendre. C'est parce qu'on est à l'ère, je le dis entre guillemets pour rigoler, on est à l'ère de l'écologie, quoi. Non, on se soucie de ça. Non, ça, je suis absolument pas d'accord avec ça. C'est pas bien sûr que le fait qu'on s'en occupe et qu'on ait du coup les connaissances et la possibilité de détecter. Bien sûr qu'on ne sait pas découvrir des poisons dont on ne connaît pas le nom ou dont on n'a pas les outils pour aller rechercher ces poisons dans l'environnement. Mais je ne pense pas que c'est une question de regard. C'est aussi simplement un fait qui est qu'une partie de l'arsenal qu'on n'a pas géré ou mal géré, quelles que soient les raisons qui ont fait qu'on a mal géré à l'époque, est en train de relâcher massivement ces produits toxiques dans l'environnement et polluent. Alors, je vais parler très, très concrètement. Il y a 500 localités, enfin 500 communes en France où il est formellement conseillé aux femmes enceintes et aux bébés de ne pas consommer l'eau du robinet parce que les taux de perchlorate dans l'eau de distribution sont supérieurs à la norme. Or, les perchlorates, ce sont des perturbateurs endocriniens, et ce qu'on ne dit jamais pour ne pas trop effrayer les gens, il ne faudrait pas qu'ils aient trop peur, hein, c'est que les perchlorates font partie des seuls perturbateurs endocriniens où, pour une fois, il y aurait un lien qui serait près d'être démontré entre les perchlorates et les taux d'autisme chez l'enfant. Non, mais Isabelle, je ne comprends-moi bien, je ne doute pas du poison, hein, c'est le mot empoisonné, hein, un héritage empoisonné, c'est le titre de ton docu. Je ne doute pas de l'empoisonnement, de tout ça, dû à cette guerre. Et ce que je me pose comme question, c'est, tiens, on est en 1914-18, quoi, le temps a passé, je me dis, tiens, aujourd'hui, on se pose la question, peut-être parce qu'on est aussi à cette période où on parle de nature, on parle de respect plus. Je pense que non, c'est justement pas ça. Je pense que c'est justement lié aussi simplement à la nature intrinsèque de ces polluants. Ce sont des munitions, donc des enveloppes métalliques, qui ont protégé en partie le contenu. Et donc, il faut tout un temps de corrosion de ces munitions pour qu'elles relâchent leur poison dans l'environnement. Okay. Donc, il y a une part de ça. J'ai cité l'exemple de la mer du Nord. On a été balancé 3 millions d'obus au large. Ça, c'est dingue. Voilà. Et ces 3 millions d'obus, on a pensé plus ou moins sincèrement à l'époque que c'était la meilleure solution. La plupart sont toxiques, de les balancer en mer. Et revenir là-dessus serait trop long si je le faisais dans le détail, mais simplement ce qui se passe, c'est que on a oublié qu'on les avait balancés. Donc, on les a redécouverts dans les années 70 en faisant des dragages en mer du Nord. Oh, tiens, il y a des obus qui sortent. Oh, c'est des obus toxiques. Ah, ben bizarre. Ah, tiens, quand on retourne dans les sources, on remarque qu'en 1919, effectivement, on a largué 3 millions d'obus. Tiens, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est à 1,5 km des côtes. C'est-à-dire, quand vous êtes sur cet endroit, vous voyez la plage et les touristes, quoi, dessus. Et donc, ça, et là, maintenant, on sait que ces obus, qui sont surveillés chaque année, parce que trouver une autre solution, c'est-à-dire faire une île au-dessus, parce que ça pose plein de problèmes. Il y a le réchauffement climatique, le niveau des mers, l'acidification, tout ça est en train de faire que potentiellement, ça peut devenir vraiment très dangereux. Mais ça coûterait très très cher de gérer. Donc pour l'instant, on dit on va surveiller jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose et puis on verra bien s'il se passe quelque chose. Or, en fait, on sait depuis cette année-ci que les obus sont en train de commencer à relâcher leurs toxiques dans l'eau. Voilà. Ok. Donc, je reprends toujours mon idée. Et donc, la première partie du film, on part comme ça sur ces obus, tous ces produits toxiques et tout ça. Mais quel est le lien? Je sais, on en a déjà parlé, mais quel est le lien que tu fais avec toute cette partie du film? Qu'est-ce que tu veux dire, en gros, que c'est dégueulasse ce qui se passe pour la nature, pour l'humain, pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui prend à la peine de se poser toutes ces questions-là, parce que ça n'existe pas, parce qu'on laisse faire, parce que... Alors, on a une question qui est pour moi une question vraiment d'actualité, c'est le lien qu'il y a entre les déchets concrets et le vrai... à qui en fait-on payer le prix et au mépris ou pas d'une décision collective qui soit véritablement démocratique? C'est une question de justice sociale. C'est un film qui parle de justice sociale. C'est comme ça que je préfère le présenter. C'est se dire la justice sociale autour de cette question des déchets et de manière générale de la consommation, que ce soit en temps de guerre ou en temps de paix. Mais c'est de ne pas faire payer le prix, la violence de notre économie. En fait, c'est ça. On vit dans une économie violente. Et qui fait payer davantage le prix de cette violence aux plus faibles, aux plus pauvres. Et ça, c'est une illustration, en fait, au travers de l'histoire. Et qui montre, en plus, que faire ça, de toute manière, c'est un mauvais calcul collectivement, puisque par ces dénis de démocratie et de justice sociale, on fait non seulement que reporter le problème, mais on l'amplifie à long terme, en fait. Donc, on ferait bien mieux d'accepter de se poser sur ces problèmes et de trouver des solutions, certes dures et peut-être lourdes, à négocier, à assumer tous ensemble, mais que c'est de toute façon une nécessité parce que sinon, on sera rattrapé par les choses. Oui, mais c'est un peu la nuit des temps, là, que tu parles. C'est comme... Il faut qu'il y ait une catastrophe, il faut qu'il se passe quelque chose de grave pour réagir, quoi. Qu'est-ce que... Ça n'a pas toujours été comme ça. Ça, je pense que ça n'a... Et c'est là que le regard sur la préhistoire, pour moi, est intéressant. C'est que le rapport que l'être humain a eu à son environnement n'a pas été toujours sous cette forme de violence. L'économie n'a pas toujours eu cette forme de violence. Et... Alors là, on commence à toucher à quelque chose qui parfois fait un petit peu peur, mais j'aime pas utiliser le mot spiritualité, mais il y a une part de ça, c'est-à-dire ce rapport à la nature qu'on est en train de redécouvrir aujourd'hui, dans une forme de spiritualité aussi, en fait. Ce besoin quand même de se reconnecter qui est très élargi, on le voit, les gens cherchent en tout cas, ils ont besoin de ça. Pour moi, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que jusque-là, en fait, en tout cas durant la préhistoire, quand l'homme prélevait, comme Néandertal ou un autre homme prélevait quelque chose dans la nature, il avait conscience, en fait, qu'il prélevait quelque chose dans un grand tout et qu'il fallait pouvoir rendre quelque chose à ce grand tout. Qui n'en était pas propriétaire et que voilà, et c'est en partie les sources, c'est une théorie, mais je veux dire, moi j'adhère à cette théorie là qui explique aussi qu'il y avait énormément de rituels qui se faisaient et que ces rituels ont peut-être été aussi aux origines de l'art rupestre, puisqu'on peignait ou on gravait l'image des bêtes qu'on allait abattre. C'était une sorte de manière de rendre ou de mettre en conscience en tout cas ce qu'on s'apprête à prélever dans ce grand tout. Et ça, je pense que voilà, on est peut-être dans cette phase où on doit retrouver ce sens-là, cette humilité, peut-être simplement, et se reconnecter à cette forme de spiritualité. Spiritualité étant un grand mot, et je veux ici faire tout à fait le point sur le fait que je ne parle pas du tout de religion, parce que là, je ne suis absolument pas... voilà, mais quoi, ce que tu veux dire, c'est rêver que nous, notre société, des humains, prennent en question justement tout ce que tu soulèves dans le film, de rêver que ça suffit, maintenant, on fait quelque chose d'intelligent. C'est ça que tu veux dire ? De toute manière, moi, je pense qu'on n'aura pas le choix. On n'a déjà pas le choix. Les collapsologues les plus pessimistes auront raison, c'est-à-dire l'espèce humaine vit ses dernières heures et l'espèce va s'éteindre et mourir des suites de ce qu'elle aura infligé à son environnement. C'est ce qu'ils disent. Après, on... Pas tous, hein, parce qu'ils ne sont pas tous comme ça, mais je dirais, soit ça c'est la théorie la plus pessimiste. Moi, ce que je pense, c'est qu'on est en train de vivre, c'est la fin d'un monde, et qu'on est en train de vivre peut-être une évolution dans laquelle on va retrouver une place plus juste, une conscience plus juste du fait qu'on n'est qu'une petite partie d'un grand tout et qu'on se doit de respecter l'ensemble et cet équilibre, sinon en fait le système, l'écosystème en fait simplement élimine par lui-même les choses qui posent problème. C'est un équilibre permanent en fait, donc c'est pas un souci, la planète elle s'en sortira toujours, l'univers s'en sort toujours très bien, mais c'est une marche naturelle des choses. Et je pense qu'on a la possibilité, nous, c'est pas que rêver, d'abord oui, effectivement, rêver ensemble c'est important, mais de se dire que si les désirs plutôt que les rêves d'ailleurs qu'on aurait sont pas juste de pas perdre des choses, mais peut-être d'en gagner, d'arriver à faire en sorte, moi je crois encore que c'est tout à fait possible de se dire qu'on peut vivre totalement différemment, et quelque chose qui soit plus désirable que ce qu'on vit aujourd'hui, et qu'on en est capable à partir du moment où collectivement on arrive à sortir de la zone de confort et à lâcher tout ce qui génère de la souffrance aujourd'hui. C'est pour ça que pour moi c'est pas juste une question de choisir, pour moi c'est une fausse idée de se dire si on abandonne le nucléaire et qu'on a les technologies vertes pour les énergies vertes ça va aller tout seul. Non, c'est les racines du système. Vous pouvez très bien avoir un système capitaliste qui continue à créer autant de souffrance et qui détruit autant l'environnement avec des énergies vertes. Hein, le problème des déchets nucléaires et du nucléaire de manière générale, c'est aussi voilà, que ces souffrances sont incommensurables. Mais bon, par ailleurs, on ne changera pas le système si on refuse pas la violence de l'économie capitaliste et qu'on ne revient pas à une forme de... Voilà, d'humilité, de partage, de sens commun. Et je crois que c'est tout à fait possible. Bah, c'est une vision positive quand même, ça, non ? Ah, bah, je pense. Alors, ça ne veut pas dire que je suis béatement optimiste. Ça veut dire que, de toute façon, je pense qu'on n'a pas le choix. Que si on veut s'en sortir, on est obligé. Donc, c'est une obligation d'être optimiste. Parce que si on est pessimiste, ben, c'est sûr qu'on ne s'en sortira pas. Donc, en fait, il faut y aller. Et l'optimisme que je pratique, je pense que de toute façon, en plus, si on n'y va pas dans la joie, ben, on n'y arrivera pas non plus, en fait. Donc, c'est pas facile de lutter dans la joie. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose vraiment qui est capital et essentiel. Parce que sinon, on s'épuise et on se fait bouffer par le système. On termine là parce que c'est la fin, mais j'ai envie juste de rajouter, j'ai l'impression que moi je suis pessimiste dans le monde, comment je vois comment il fonctionne, comment c'est bien compliqué, comment on est loin aussi, mais j'ai envie de le faire parce que de toute façon, voilà, j'ai envie de le faire avec une belle énergie, même s'il faut aller droit dans le mur, j'irai avec une belle énergie pour essayer de faire le contraire, mais j'ai une vision quand même assez pessimiste du monde. Et vite une dernière question, moi parce aussi, que... en fait, mais je dis simplement, c'est aussi parce qu'on a une vision de... Enfin, moi, je dis tout va rentrer dans le désordre, en fait. Et je trouve que c'est la phrase qui résume le mieux les choses. Foutons un joyeux bordel, c'est juste ça. Et c'est souvent dans ces moments-là, c'est souvent même dans la vie personnelle, hein, c'est souvent quand votre vie personnelle est dans son plus gros bordel qu'apparaissent des choses qui paraissent très impossibles autrement. Et quand on est pessimiste, bien souvent, c'est parce qu'on marine dans son quotidien où on voit tout le temps et on tombe tout le temps sur les mêmes murs. Mais l'expérience que moi j'ai, celle que j'essaie de transmettre, au travers des années de recherche, puis de tournage, puis maintenant de fait de porter le film dans toute la France, parce que j'arrête pas de voyager pour le porter, c'est qu'une fois qu'on sort de ce quotidien, de cette zone, on voit à la fois toutes les horreurs et le déni qu'il y a autour de ces horreurs, mais on voit aussi une force d'une puissance incroyable qui est un réveil qui n'a, je pense, depuis longtemps plus été pareil. Or, dans l'histoire de l'humanité, et ça, c'est d'autres historiens le disent très très bien, dont Anne Morelli, par exemple, mais aussi d'autres grands historiens, en fait, il y a eu des moments dans l'humanité où on pensait que tout était perdu. C'est pas la première fois qu'on pense qu'on est à la fin du monde, et où, parce qu'il y avait des gens quand même qui était dans ce réveil, et parce qu'il est venu quelque chose en plus, un petit quelque chose qui fait que les choses basculent, ben on est passé à côté de ça. Quelle période qui disait qu'on était perdu? Bon, il y a eu au Moyen-Âge, il y a quand même eu une grande période, effectivement, où, voilà, où les gens pensaient effectivement que c'était la fin du monde. Et puis, voilà, on en a eu dans toute la grande histoire des luttes sociales. Vraiment, il y a eu vraiment beaucoup de moments où on pensait que c'était foutu. Dans l'histoire sociale des États-Unis, cet historien que j'aime tant et dont je ne retrouve plus le nom, je tourne autour là pour l'instant, mais je vais le retrouver très rapidement, ouais. décrit ça très très très bien, en fait, en disant, c'est un petit texte que j'avais retrouvé il n'y a pas longtemps, c'est celui qui disait en fait qu'il faudrait qu'il y ait plus de... Enfin, qu'à force d'écrire l'histoire, que l'histoire soit écrite par les chasseurs, tant que les lapins n'ont pas d'historien, l'histoire... Howard Dean. Et c'est Howard Dean. Et Howard Dean, il le dit très très bien, c'est que en fait, il y a eu des tas de moments dans l'histoire, voilà, où on pensait que tout était perdu et que parce qu'il y avait une poignée de gens au départ qui ont cru que c'était possible de faire autrement, ben, ils ont su faire basculer un moment les choses, quoi. Donc, moi, je pense que c'est peut-être pas plus dramatique. Et surtout, dernière chose que je dirais, c'est que si on nous montre autant tout ce qui ne va pas, et qui est réel parfois, hein, je veux dire, mais aussi si on nous montre aussi, et si la répression de ceux qui luttent aujourd'hui est aussi puissante, et qu'on nous la montre aussi largement, c'est justement parce que la puissance de ceux qui aujourd'hui veulent que ça change n'a jamais été aussi forte. Et donc ça doit redonner de l'espoir et de l'optimisme, et ça doit inciter à aller voir sur le terrain ce qui se passe, sortir de sa zone de confort, et essayer de voir vraiment changer son quotidien, sortir de son quotidien, et tout d'un coup on voit les choses sous un autre œil. Il va falloir se battre. Non, mais c'est vrai aussi, non? Ça, c'est certain. Ça n'ira pas sans... Ça n'ira pas sans lutte, et la lutte est déjà là, et ceux qui la vivent aujourd'hui savent à quel point la répression est extrêmement violente, mais savent aussi à quel point une solidarité formidable a émergé, et à quel point, en fait, on fauche des têtes en surface, mais pour l'instant, même dans les moments où on a l'impression que pouf, il y a eu une répression, et du coup, la lutte en prend un coup, je parle de toutes les luttes, hein, parce que c'est la même chose, que ce soit sur la question de l'accueil des migrants en Belgique ou en France, que ce soit dans le nucléaire, enfin, toutes les thématiques, le climat, tout ça aujourd'hui, bah, déjà du temps de la COP21, je veux dire, le nombre de fichiers S, juste parce qu'ils étaient des militants écologistes, on a oublié ça. Ouais. Mais en fait, tout ça fait qu'il y a quelque chose qui a été semé. Et en fait, aujourd'hui, mon impression, c'est plutôt que si parfois on a l'impression de ne pas le voir, c'est parce que ça fait rhizome. On est en train... force de résistance est en train de s'étendre, de créer des rhizomes partout. Et puis, à un moment, quand les conditions seront bonnes, tout ça va émerger. Enfin, voilà, j'espère avoir raison. Allez, dernière question, vraiment. D'où ça te vient, cette énergie un peu de bagarre comme ça, de changer le système, de donner la parole quand même dans ton documentaire de gens qu'on se fiche complètement, hein, des gens dans les villages, là. D'où ça te vient, ça? Je ne sais pas, sans doute... Fatalement des racines familiales, on n'est jamais qu'un produit de toute une histoire. Donc je pense que dans ma famille, des tas de gens qui ont été des gens très, très engagés. Mes parents qui sont médecins aussi. Et puis une conscience, je ne sais pas ce dont j'ai hérité, c'est très très petite, à la fois une conscience très importante de la nature, enfin un lien avec, pas une conscience, un lien très important, mais et l'autre sujet, un sentiment d'injustice parfois très aigu, et pendant longtemps ça m'a fait souffrir. J'avais vraiment du mal avec ça, et puis après le fait de pouvoir relier les deux et ce regard historique et à la fois ancré sur le terrain, fait que j'ai trouvé des bonnes formes d'expression et surtout des formes qui me semblaient avoir quand même un tout petit peu prise, enfin donner l'espoir en tout cas, ou donner l'illusion de participer à une forme de, plus que de résistance, mais de combat. Je préfère l'idée de se battre pour quelque chose que de résister pour ne pas perdre quelque chose. Merci à toi. Ben merci à toi.